Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, édition Furne et Compagnie, 1865, quatrième partie, Jérusalem, suite, les dehors de la ville sainte. Nous allons à présent visiter les dehors de la ville sainte. J'avais employé 2 heures à parcourir à pied la voie douloureuse. J'eus soin chaque jour de revoir ce chemin sacré ainsi que l'église du calvaire, afin qu'aucune circonstance essentielle n'échappât à ma mémoire. Il était donc 2 heures quand j'achevais, le 7 octobre, ma première revue des saints lieux. Je montai alors à cheval avec Ali Aga, le droguement Michel et mes domestiques. Nous sortîmes par la porte de Jaffa pour faire le tour complet de Jérusalem. Nous étions couverts d'armes, habillés à la française, et très décidés à ne souffrir aucune insulte. On voit que les temps sont bien changés, grâce au renom de nos victoires, car l'ambassadeur Day, sous Louis XIII, eut toutes les peines du monde à obtenir la permission d'entrer à Jérusalem avec son épée. Nous tournâmes à gauche en sortant de la porte de la ville, nous marchâmes au midi, et nous passâmes à la piscine de Bersabée, fossé large et profond, mais sans eau. Ensuite nous gravîmes la montagne de Sion dont une partie se trouve hors de Jérusalem. Je suppose que ce nom de Sion réveille dans la mémoire des lecteurs un grand souvenir, qu'ils sont curieux de connaître cette montagne si mystérieuse dans l'Écriture, si célèbre dans les Cantiques de Salomon, cette montagne objet des bénédictions ou des larmes des prophètes, et dont racina soupirait les malheurs. C'est un monticule d'un aspect jaunâtre et stérile, ouvert en forme de croissant du côté de Jérusalem, à peu près de la hauteur de Montmartre, mais plus arrondi au sommet. Ce sommet sacré est marqué par 3 monuments, ou plutôt par 3 ruines, la maison de Caïphe, le Saint-Cénacle, et le tombeau ou le palais de David. Du haut de la montagne vous voyez au midi la vallée de Ben-Hinnon, par-delà cette vallée le champ du sang acheté des 30 deniers de Judas, le mont du mauvais conseil, les tombeaux des juges, et tout le désert vers Hébron et Bethléem. Au nord le mur de Jérusalem, qui passe sur la cime de Sion, vous empêche de voir la ville. Celle-ci va toujours en s'inclinant vers la vallée de Josepha. La maison de Caïphe est aujourd'hui une église desservie par les Arméniens. Le tombeau de David est une petite salle voûtée, où l'on trouve 3 sépulcres de pierre noirâtre. Le Saint-Cénacle est une mosquée et un hôpital turc. C'était autrefois une église et un monastère occupé par les Pères de Terre Sainte. Ce dernier sanctuaire est également fameux dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. David y bâtit son palais et son tombeau. Il y garda pendant 3 mois l'Arche d'Alliance. Jésus-Christ y fit la dernière Pâque, et il y institua le sacrement d'Eucharistie. Il y apparut à ses disciples le jour de sa résurrection. Le Saint-Esprit y descendit sur les apôtres. Le Saint-Cénacle devint le premier temple chrétien que le monde ait vu. Saint-Jacques le Mineur y fut consacré premier évêque de Jérusalem, et Saint-Pierre y tint le premier concile de l'Église. Enfin ce fut de ce lieu que les apôtres partirent, pauvres et nus, pour monter sur tous les trônes de la terre. L'historien Joseph nous a laissé une description magnifique du palais et du tombeau de David. Benjamin de Tudèle fait au sujet de ce tombeau un conte assez curieux, voyez la note, à la fin du volume, page 406, édition Furne et Compagnie, 1865. En descendant de la montagne de Sion, du côté du Levant, nous arrivâmes à la vallée, à la fontaine et à la piscine de Siloé où Jésus-Christ rendit la vue à l'aveugle. La fontaine sort d'un rocher, elle coule en silence, comme silencio, selon le témoignage de Jérémie, ce qui contredit un passage de saint Jérôme. Elle a une espèce de flux et reflux, tantôt versant ses eaux comme la fontaine de Vaucluse, tantôt les retenant et les laissant à peine couler. Les Lévites répandaient l'eau de Siloé sur l'autel à la fête des tabernacles. Les uns racontent que cette fontaine sortit tout à coup de la terre pour apaiser la soif d'Isaïe lorsque ce prophète fut scié en deux avec une scie de bois par l'ordre de Manassès. Les autres prétendent qu'on la vit paraître sous le règne d'Ézéchias, dont nous avons l'admirable cantique. J'ai vu mes tristes journées décliner vers leur penchant, etc. Selon Joseph, cette source miraculeuse coulait pour l'armée de Titus, et refusait ses eaux juives coupables. La piscine, ou plutôt les deux piscines du même nom sont toutes auprès de la source. Elles servent aujourd'hui à laver le linge comme autrefois, et nous y vîmes des femmes qui nous dirent des injurances en fuyant. L'eau de la fontaine est saumâtre et assez désagréable au goût. On s'y baigne les yeux en mémoire du miracle de l'aveugle-né. Près de là on montre l'endroit où le prophète Isaïe subit le supplice dont j'ai parlé. On y voit aussi un village appelé Siloam. Au pied de ce village est une autre fontaine que l'écriture nomme Rogel. En face de cette fontaine, au pied de la montagne de Sion, se trouve une troisième fontaine qui porte le nom de Marie. On croit que la Vierge y venait chercher de l'eau, comme les filles de Laban au puits dont Jacob ôta la pierre. La fontaine de la Vierge mêle ses eaux à celle de la fontaine de Siloé. Ici, comme le remarque saint Jérôme, on est à la racine du mont Moria, sous les murs du temple, à peu près en face de la porte sterquilinaire, ou porte des Esséniens, entre la porte de Sion et celle de Saint-Étienne. Nous avançâmes jusqu'à l'angle oriental du mur de la ville, et nous entrâmes dans la vallée de Josepha. Elle court du nord au midi, entre la montagne des Oliviers et le mont Moria. Le torrent de Cédron passe au milieu. Ce torrent est assez qu'une partie de l'année. Dans les orages ou dans les printemps pluvieux, il roule une eau rougie. La vallée de Josepha est encore appelée dans l'écriture vallée de Savé, vallée du roi, vallée de Melchizedek. Note. Sur tout cela il y a différentes opinions. La vallée du roi pourrait bien être vers les montagnes du Jourdain, et cette position conviendrait même davantage à l'histoire d'Abraham. Fin de la note. Ce fut dans la vallée de Melchizedek que le roi de Sodome chercha Abraham pour le féliciter de la victoire remportée sur les cinq rois. Moloch et Baal-Fégor furent adorés dans cette même vallée. Elle prit dans la suite le nom de Josepha parce que le roi de ce nom y fit élever son tombeau. La vallée de Josepha semble avoir toujours servi de cimetière à Jérusalem. On y rencontre les monuments des siècles les plus reculés et des temps les plus modernes. Les Juifs viennent y mourir des quatre parties du monde. Un étranger leur vend au point de l'or un peu de terre pour couvrir leur corps dans le champ de leurs aïeux. Les cèdres dont Salomon planta cette vallée, l'ombre du temple dont elle était couverte, le torrent qui la traversait, les cantiques de deuil que David y composa, les lamentations que Jérémie y fit entendre, la rendaient propre à la tristesse et à la paix des tombeaux. En commençant sa passion dans ce lieu solitaire, Jésus-Christ le consacra de nouveau aux douleurs. Ce David innocent y versa, pour effacer nos crimes, les larmes que le David coupable y répandit pour expier ses propres erreurs. Il y a peu de noms qui réveillent dans l'imagination des pensées à la fois plus touchantes et plus formidables que celui de la vallée de Josepha, vallée si pleine de mystères que, selon le prophète Joël, Tous les hommes y doivent comparaître un jour devant le juge redoutable. Il est raisonnable, dit le Père Nos, que l'honneur de Jésus-Christ soit réparé publiquement dans le lieu où il lui a été ravi par tant d'opprobre et d'ignominie, et qu'il juge justement les hommes où ils l'ont jugé si injustement. L'aspect de la vallée de Josaphat est désolé. Le côté occidental est une haute falaise de craie qui soutient les murs gothiques de la ville, au-dessus desquels on aperçoit Jérusalem. Le côté oriental est formé par le mont des Oliviers et par la montagne du Scandale, mont Sophancionis, ainsi nommé de l'idolâtrie de Salomon. Ces deux montagnes qui se touchent sont presque nues et d'une couleur rouge et sombre. Sur leur flanc désert on voit ça et là quelques vignes noires et brûlées, quelques bouquets d'oliviers sauvages, des friches couvertes d'hysope, des chapelles, des oratoires et des mosquées en ruine. Au fond de la vallée on découvre un pont d'une seule arche, jeté sur la ravine du torrent de Cédron. Les pierres du cimetière des Juifs se montrent comme un amas de débris au pied de la montagne du Scandale, sous le village arabe de Siloam. On a peine à distinguer les masures de ce village des sépulcres dont elles sont environnées. Trois monuments antiques, les tombeaux de Zacharie, de Josaphat et d'Absalom, se font remarquer dans ce champ de destruction. À la tristesse de Jérusalem, dont il ne s'élève aucune fumée, dont il ne sort aucun bruit, à la solitude des montagnes où l'on n'aperçoit pas un être vivant, au désordre de toutes ces tombes fracassées, brisées, demi-ouvertes, on dirait que la trompette du jugement s'est déjà fait entendre, et que les morts vont se lever dans la vallée de Josaphat. Au bord même, et presque à la naissance du torrent de Cédron, nous entrâmes dans le jardin des Oliviers. Il appartient aux pères latins, qui l'ont acheté de leur propre denier. On y voit 8 gros oliviers d'une extrême décrépitude. L'olivier est pour ainsi dire immortel, parce qu'il renaît de sa souche. On conservait dans la citadelle d'Athènes un olivier dont l'origine remontait à la fondation de la ville. Les oliviers du jardin de ce nom à Jérusalem sont au moins du temps du Bas-Empire. En voici la preuve. En Turquie, tout olivier trouvé debout par les musulmans, lorsqu'ils envahirent l'Asie, ne paie qu'un médin au fisc, tandis que l'olivier planté depuis la conquête doit au grand seigneur la moitié de ses fruits, or les 8 oliviers dont nous parlons ne sont taxés qu'à 8 médins. Note. Cette loi est aussi absurde que la plupart des autres lois en Turquie. Chose bizarre d'épargner le vaincu au moment de la conquête, lorsque la violence peut amener l'injustice, et d'accabler le sujet en pleine paix. Fin de la note. Nous descendîmes de cheval à l'entrée de ce jardin, pour visiter à pied les stations de la montagne. Le village de Gethsémani était à quelque distance du jardin des Oliviers. On le confond aujourd'hui avec ce jardin, comme le remarquent Thévenot et Roger. Nous entrâmes d'abord dans le sépulcre de la Vierge. C'est une église souterraine où l'on descend par 50 degrés assez beau. Elle est partagée entre toutes les sectes chrétiennes. Les Turcs mêmes ont un oratoire dans ce lieu. Les catholiques possèdent le tombeau de Marie. Quoique la Vierge ne soit pas morte à Jérusalem, elle fut, selon l'opinion de plusieurs pères, miraculeusement ensevelie à Gethsémani par les apôtres. Eutymius raconte l'histoire de ces merveilleuses funérailles. Saint Thomas ayant fait ouvrir le cercueil, on n'y trouva plus qu'une robe virginale, simple et pauvre vêtement de cette reine de gloire que les anges avaient enlevée aux cieux. Les tombeaux de Saint Joseph, de Saint Joachim et de Saint Agne se voient aussi dans cette église souterraine. Sortis du sépulcre de la Vierge, nous allâmes voir, Dans le jardin des oliviers, la grotte où le Sauveur répandit une sueur de sang, en prononçant ces paroles, « S'il est possible, que ce calice passe loin de moi. » Cette grotte est irrégulière, on y a pratiqué des autels. À quelques pas en dehors on voit la place où Judas trahit son maître par un baiser. À quelle espèce de douleur Jésus-Christ consentit à descendre. Il éprouva ces affreux dégoûts de la vie que la vertu même a de la peine à surmonter. Et à l'instant où un ange est obligé de sortir du ciel pour soutenir la divinité défaillante sous le fardeau des misères de l'homme, cette divinité miséricordieuse est trahie par l'homme. Voyez la note, F, à la fin du volume page 407 de l'édition Furne et Compagnie de 1865. En quittant la grotte du calice d'amertume, et gravissant un chemin tortueux semé de cailloux, le drogman nous arrêta près d'une roche d'où l'on prétend que Jésus-Christ regarda la ville coupable en pleurant sur la désolation prochaine de Sion. Baroni observe que Titus planta ses tentes à l'endroit même où le Sauveur avait prédit la ruine de Jérusalem. Doubdan, qui combat cette opinion sans citer Baroni, croit que la 6e Légion romaine campa au sommet de la montagne des Oliviers, et non pas sur le penchant de la montagne. Cette critique est trop sévère, et la remarque de Baron Yu n'en est ni moins belle ni moins juste. Voyez la note, G, à la fin du volume page 408, Ibidem. De la roche de la prédiction nous montâmes à des grottes qui sont à la droite du chemin. On les appelle les tombeaux des prophètes. Elles n'ont rien de remarquable, et l'on ne sait trop de quels prophètes elles peuvent garder les cendres. Un peu au-dessus de ces grottes nous trouvâmes une espèce de citerne composée de 12 arcades. Ce fut là que les apôtres composèrent le premier symbole de notre croyance. Tandis que le monde entier adorait à la face du soleil 1000 divinités honteuses, 12 pécheurs, cachés dans les entrailles de la terre, dressaient la profession de foi du genre humain, et reconnaissaient l'unité du Dieu créateur de 16 astres à la lumière desquels on osait encore proclamer son existence. Si quelques Romains de la cour d'Auguste, passant auprès de ce souterrain, eût aperçu les 12 juifs qui composaient cette œuvre sublime, quel mépris eût témoigné pour cette troupe superstitieuse. Avec quel dédain il eût parlé de ses premiers fidèles. Et pourtant ils allaient renverser les temples de ce Romain, détruire la religion de ses pères, changer les lois, la politique, la morale, la raison et jusqu'aux pensées des hommes. Ne désespérons donc jamais du salut des peuples. Les chrétiens gémissent aujourd'hui sur la tiédeur de la foi. Qui sait si Dieu n'a point planté dans une ère inconnue le grain de sénevé qui doit multiplier dans les champs? Peut-être cet espoir de salut est-il sous nos yeux sans que nous nous y arrêtions? Peut-être nous paraît-il aussi absurde que ridicule. Mais qui aurait jamais pu croire à la folie de la croix? On monte encore un peu plus haut, et l'on rencontre les ruines ou plutôt l'emplacement désert d'une chapelle. Une tradition constante enseigne que Jésus-Christ récita dans cet endroit l'oraison dominicale, Église Grotte Pater Noster. Un jour, comme il était en prière en un certain lieu, après qu'il eut cessé de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprenez-nous à prier, ainsi que Jean l'a appris à ses disciples. » Et il leur dit « Lorsque vous prierez, dites « Père, que votre nom soit sanctifié, etc. » Saint Luc. Ainsi furent composées presque au même lieu la profession de foi de tous les hommes et la prière de tous les hommes. À 30 pas de là, en tirant un peu vers le nord, est un olivier au pied duquel le fils du souverain arbitre prédit le jugement universel. Voyez la note H, à la fin du volume page 410. Enfin, on fait encore une cinquantaine de pas sur la montagne, et l'on arrive à une petite mosquée, de forme octogone, reste d'une église élevée jadis à l'endroit même où Jésus-Christ monta au ciel après sa résurrection. On distingue sur le rocher l'empreinte du pied gauche d'un homme. Le vestige du pied droit s'y voyait aussi autrefois. La plupart des pèlerins disent que les Turcs ont enlevé ce second vestige pour le placer dans la mosquée du temple. Mais le père Roger affirme positivement qu'il n'y est pas. Je me tais, par respect, sans pourtant être convaincu, devant des autorités considérables. Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Paulin, Sulpice Sévère, le vénérable Bède, la tradition, tous les voyageurs anciens et modernes, assurent que cette trace marque un pas de Jésus-Christ. En examinant cette trace, on en a conclu que le Sauveur avait le visage tourné vers le nord au moment de son ascension, comme pour renier ce midi infesté d'erreurs, pour appeler à la fois les barbares qui devaient renverser les temples des faux dieux, créer de nouvelles nations, et planter l'étendard de la croix sur les murs de Jérusalem. Plusieurs pères de l'Église ont cru que Jésus-Christ s'éleva aussi au milieu des âmes des patriarches et des prophètes, délivré par lui des chaînes de la mort. Sa mère et 120 disciples furent témoins de son ascension. Il étendit les bras comme Moïse, dit Saint Grégoire de Nazianze, et présenta ses disciples à son père. Ensuite il croisa ses mains puissantes en les abaissant sur la tête de ses bien-aimés, Tertullien, et c'était de cette même manière que Jacob avait béni les fils de Joseph. Puis, quittant la terre avec une majesté admirable, il monta lentement vers les demeures éternelles et se perdit dans une nuit éclatante. Ludolf. Sainte Hélène avait fait bâtir une église où l'on trouve aujourd'hui la mosquée octogone. Saint Jérôme nous apprend qu'on n'avait jamais pu fermer la voûte de cette église à l'endroit où Jésus-Christ prit sa route à travers les airs. Le vénérable Bède assure que, de son temps, la veille de l'ascension, on voyait pendant la nuit la montagne des oliviers couverte de feu. Rien n'oblige à croire ces traditions, que je rapporte seulement pour faire connaître l'histoire et les mœurs. Mais si Descartes et Newton eussent philosophiquement douté de ces merveilles, Racine et Milton ne les auraient pas poétiquement répétées? Telle est l'histoire évangélique expliquée par les monuments. Nous l'avons vu commencer à Bethléem, marcher au dénouement chez Pilate, arriver à la catastrophe au calvaire, et se terminer sur la montagne des Oliviers. Le lieu même de l'ascension n'est pas tout à fait à la cime de la montagne, mais à 200 ou 300 pas au-dessous du plus haut sommet. Voyez la note, I, à la fin du volume, édition citée, page 410. Nous descendîmes de la montagne des Oliviers, et, remontant à cheval, nous continuâmes notre route. Nous laissâmes derrière nous la vallée de Josaphat, et nous marchâmes, par des chemins escarpés, jusqu'à l'angle septentrional de la ville. De là, tournant à l'ouest, et longeant le mur qui fait face au nord, nous arrivâmes à la grotte où Jérémie composa ses lamentations. Nous n'étions pas loin des sépulcres des rois, mais nous renonçâmes à les voir ce jour-là, parce qu'il était trop tard. Nous revînmes chercher la porte de Jaffa, par laquelle nous étions sortis de Jérusalem. Il était 7 heures précises quand nous rentrâmes au couvent. Notre course avait duré 5 heures. À pied, et en suivant l'enceinte des murs,